Le journal sud-coréen Une Nation a présenté le 3 décembre un éditorial critiquant l'argument des autorités conservatrices sur la démission ordonnée pour la prolongation du mandat de Bakounine. Soulignant que 2 millions de bougies éclairent toutes les régions à la fin de chaque semaine, la cote basse se limite toujours à 4% pour Bakounine, malgré son entretien adressé à la population, et la majorité de la population se déclare pour sa destitution. Il a prétendu que sa démission devait être décidée depuis déjà longtemps.